Bonsoir ami, bonsoir, je largue les amarres. Si je suis parmi vous, ce n'est que le hasard. J'avais mal fait le point ou mal tenu la barre. Je reprends mon chemin. Bonsoir ami, bonsoir. Bonsoir ami, bonsoir. La route buissonnière vient de me ramener à mon point de départ. J'ai voulu louvoyer, les vents m'étaient contraires, je me suis enlisé. Bonsoir ami, bonsoir. Bonsoir ami, bonsoir. Je vais hisser la voile, ne vous dérangez pas, je ne fais que passer. J'ai un peu musardé, le nez dans les étoiles, je reprends la marée. Bonsoir ami, bonsoir. Bonsoir ami, bonsoir. Je largue les amarres, il faut savoir partir. Trop tôt ni trop tard, et ne pas s'embarquer plus haut que sa gabarre. Mes limites sont tracées. Bonsoir ami, bonsoir.